D'abord, il y a eu le reboot. Mais au final, il a fallu se résoudre. Je n'avais vraiment rien de cassé. La petite bande où je n'en ai pas fini avec la folie. Puis... Épisode 1. Celle qui m'avitait un pendule sous le nez. Je ne savais plus si c'était elle ou moi qui louchait à la fin. Et l'exorciste. Avec toute sa panoplie. Très drôle de le voir s'agiter en tous sens dans sa robe noire. Moins quand il fallait répéter après lui des incantations en latin. Et encore moins quand il fallait faire des devoirs à la maison. Incantation et tout le tintouin au pied du lit. Ben voyons. Bon d'accord, on dit prière, pas incantation. Le kinésiologue aussi était pas mal dans son genre. Du type mage psychédélique. Faut aimer. Hein. Et surtout y croire. Cela fera 80 € s'il vous plaît, en espèces uniquement. La psychogénéalogiste a fait peur à maman. Toutes ces branches pourries, ça avait de quoi refroidir. Et ça me faisait lourd à porter. Le pire, c'était quand même l'exorciste. J'étais déjà athée à 9 ans, mais alors, après les séances, j'étais anticléricale purge. Maman et ses bonnes idées New Age. Quand j'ai eu 11 ans, elle s'est enfin décidée à m'emmener voir un psychiatre. Le docteur Hopman, lui, n'avait pas de robe noire ni de pendule. Il parlait doucement, les deux mains croisées sur son bureau. Je regardais ses mains, comme deux petits animaux endormis. J'attendais qu'il se réveille d'une minute à l'autre. Toute la bande faisait des paris. Oiseau ou escargot? Ah oui, toute la bande. Oui, voilà, la bande. Ce sont mes habitants, ils habitent dans ma tête. Pompernel ! Pierrot ! Catherine ! Féroce, Ombre et Joseph. Quand on parle du loup, débarqué dans ma tête à 5, 7, 9 et 11 ans. Ils ne sont pas arrivés tous en même temps, hein, je ne suis pas folle quand même. Le docteur Hopman m'a dit d'écrire un journal. Je ne lui ai pas dit que je tenais un journal depuis que j'ai 7 ans. 18 ans à écrire. 18 ans à composer avec toute la bande. En tous les cas, mieux qu'avant. C'est rien de le dire. Parfois, je relis mes cahiers. Je me fais une petite année à la volée. Je vais t'en lire un extrait. Ah, voilà. Les funérailles de Maddy. Tant qu'à faire, allons direct au lourd, comme ça, ça sera fait. Maddy, c'est ma mère. Elle est morte il y a 2 ans. Elle s'appelait Madeleine. Et puis JP, c'est mon père. Jean-Pierre dans le civil. Ils étaient divorcés, mais ils continuaient de se voir. Allez comprendre. Alors, aux funérailles, c'était grandes eaux et compagnie. J'ai retranscrit ce qu'il s'était passé après la cérémonie dans la salle du restaurant. Merci. Merci à toutes et à tous d'être là et de partager autour d'un verre ce moment si douloureux pour l'ensemble d'entre nous. Thank you. C'est trop triste. Elle avait vraiment bon fond, quand même. Rosette, arrête de te frotter la tête comme ça. Tu feras rien partir. Je me masse le crâne avec les deux mains. Avant, arrière, côté, côté. Comme le docteur Hoffman me l'a recommandé. Quand je ne suis pas loin de la crise de panique. Je suis restée au fond de la salle, près de la porte de sortie. Pas moyen que j'aille me mettre au milieu de tout ce monde. Encore moins de parler à la cantonade. J'avais envie de disparaître. La bande s'était mise à faire des commentaires en veux-tu, en voilà. Ça, c'est dans mon cerveau. Ne ris pas, tu as le même. Ma pauvre... Rosette, mais nous, on est là, hein? Mais oui, on venait là. Tu sais que tu peux compter sur nous. Si tu as besoin de parler... Si tu as besoin qu'on te change les idées... Ben... Alors là, dis-nous. Comment tu comptes t'y prendre? Je ne sais pas, je peux raconter une histoire. Oh oui, une de celles que racontait Maddy. Celle du chat et de l'aspirateur. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, franchement. Ah bon? Pourquoi? Parce que Maddy est morte, bon sang. Et ça veut dire qu'on ne la reverra plus jamais? Non. Non. À ce stade, normalement, je reprends les rênes. Mais aujourd'hui, j'ai du mal. Allez savoir. Mais ces histoires, elles existent bien encore. Oui, mais c'est trop tôt. Pour les raconter. À nouveau. Trop tôt? Oui, trop tôt. Si on les raconte, ça nous oblige à repenser à elle et... Et à comment elle les racontait, ces histoires. Et ça rend triste. Ah oui, d'accord. Rosette? Rosette, tu vois, on est là, près de toi. Oui, je sais, je sais. Vous, vous êtes toujours au taquet. Ça veut dire quoi, au taquet? En fait, tu sais quoi? Si tu pouvais la fermer un peu, ça serait pas de refus. Fermer quoi? Ta bouche! Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu ne dis jamais rien, tu ne fais jamais rien. T'as toujours 5 ans, ça va bien un moment. Je suis la plus âgée par ordre d'apparition. Je mérite tes égards. Oh, ça va. Mais qu'est-ce que vous me fatiguez, tous autant que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller voir ailleurs si j'y suis. Pas un peu, n'exagère pas. Allez! Ah, elles sont allez, là. Allez, voilà, voilà, arrête un peu. Voilà. Arrête un peu. Laissons-la. Voilà. Voilà. Calme. C'est dit, tant pis. C'est eux qui ont pris. Je me dirige vers le centre de la salle. Je suis obligé de m'arrêter pour une embrassade ou un mot de condoléance à plusieurs reprises. Je me sens complètement à côté de la plaque. J'avance, ou plutôt je suis avancé par une force qui vient d'ailleurs, peut-être au-dessus ou à côté. J'approche enfin de Léo et Jessie. Léo, c'est ma tante, la sœur de Maddy, et Jessie, c'est leur meilleure amie, leur amie d'enfance à toutes les deux. Chut. Eh bien, il aura fallu attendre ces circonstances pour que vous sachiez faire ça. Faire quoi? Vous taire. Oh, oh. J'avais un peu exagéré en leur parlant comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils me font vivre. Enfin, du silence. Ce n'est pas trop tôt. Pas toujours facile de vivre en... colocation cérébrale. Ça a ses avantages, hein. Par exemple... Bon, là, j'en vois aucun. Ça va me revenir. Oui, mais tu nous aimes quand même, dis. Faut toujours qu'il sorte la carte du chantage à un moment ou à un autre, j'y ai droit. Back to reality. Léo et Jessie discutent très doucement à côté l'une de l'autre en regardant par terre. Je pars. Je rentre chez moi, je leur dis. Je n'attends pas leur réponse. Je tourne les talons aussi secs. Le discours de JP n'en finit pas. Tout le monde fait semblant de l'écouter. À sa tête, je vois bien qu'il n'a pas cessé de boire depuis plusieurs jours. Le double tintement de verre la trahit. Il mentera longtemps. Il se tient à la table pour ne pas vaciller. Pitoyable. Une fois chez moi, je m'écroule. Toc, toc, toc. Non, pas déjà. C'est qui ? Catherine. Et Joseph. Ça va, les jumeaux ? Oui, très bien. Et toi ? Comme ci, comme ça. Coussi, coussa. Juste pour te dire... Ne dites rien, les gars. Je vais deviner. Merci pour la discrétion, j'apprécie. Très, très bien le coup de frapper à la porte. À ma porte, en l'occurrence. Super idée. Vraiment, passez le message, hein, surtout. Ça va me changer la vie que vous ne débouliez pas pour un oui ou un non sans prévenir. 18 ans que la Prums Pimprenelle a débarqué, suivie de près par le reste de la bande à me parasiter la vie. Je me suis endormie sans demander mon reste, jusqu'au lendemain. Plusieurs jours d'affilée que je dormais très peu. Les préparatifs ont été très éprouvants. Et toute la bande sur les talons du matin au soir, ça veut vite son homme. Et sa femme. Mon journal, c'est pour garder la trace des discussions avec la petite bande. Tergiversations, engueulades, mises au point et points sur les i. Après les funérailles, ils se sont fait plus discrets. Enfin, presque. Mes voix, comme dit le docteur Hopman. Pour moi... Ça sera toujours la petite bande.